En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers conviviaux, et selon la tradition démocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 9e épisode. Dimanche 29 février, jour de garde, suite. Hier soir, 11h, un pompier m'appelle. Il n'était pas de service, mais de dîner de famille chez ses parents. Sa petite fille jouait aux poupées avec sa cousine un peu plus grande. Elle s'était glissée sous la grande table entre les jambes des parents. C'est tellement mieux pour jouer. Au moment de partir, la môme ne veut pas sortir. Elle est bien là. Elle veut rester. « Allez, sors, on s'en va. »« Non, je veux jouer. » Excédé, le père l'attrape. La gamine gigote. Il tire. Elle se met en vrille. Elle pousse un cri. Elle a le bras raide. Et la mère s'écrie. Ça y est, à force de la toucher n'importe comment, avec ses grosses pattes, il a fini par lui casser quelque chose. L'enfant ne bouge plus le bras. Pas question d'y toucher, elle hurle dès qu'on s'approche. On l'emmène à l'hôpital. Ben, on pourrait peut-être voir le médecin d'abord. Quand ils entrent ici, le pompier de père est dans ses petits souliers. Il tient sa fille tout contre lui. Elle minaude, elle geint, mais elle regarde tout ce qui se passe. Elle se rend bien compte qu'elle le tient par le bout du nez, ce grand gaillard qui lui a fait mal. Elle n'avait pas 3 ans. Elle était mignonne comme un cœur, brune, des grands yeux marrons. Quand je l'ai vue, je me suis dit que j'aurais aimé en avoir une comme ça. Elle m'a regardé d'un air méfiant. Je l'ai regardé aussi. J'ai fait mon numéro de celui qui ne s'intéresse qu'aux adultes. Et pendant que le père me confessait son crime dans les moindres détails, je jouais du hochet spécial multicolore triple boule, celui à qui personne ne résiste quand il est posé au bord de la table, pas même les mères de familles nombreuses qui en ont pourtant vu d'autres. Au bout de 20 secondes, la môme tend la main gauche, elle saisit le hochet et le tourne dans tous les sens. Il est fait pour ça. Son bras droit ne bouge pas. Le poignet remue un peu, mais c'est tout. Pendant que le père parle et que la môme joue, je pose un pouce au pli de son coude. Je prends délicatement le poignet droit, je le tourne, je replie l'avant-bras. Je sens le ressaut de l'os d'Emmy qui reprend sa place. La môme pousse un petit cri de surprise et saute des genoux de son père, s'éloigne et ne se rend même pas compte qu'elle joue à nouveau des deux mains. Dès comme ça, je voudrais bien en avoir tous les samedis et même tous les jours, mais ce serait trop beau. Tu te lèves ? Tu te diriges vers l'autre bout de la pièce. Je tente désespérément de limiter les dégâts. Vous comprenez, c'est comme ça tous les jours. Pas moyen de l'arrêter. J'ai beau lui donner sa bouillie avec de la gélo-viscose, j'en mets 12 cuillères alors qu'il 18 sur la boîte. Tu reviens. Je lui donne des gouttes que l'hôpital m'a marquées. Je sais que ce n'est pas grave. Je le couche sur le ventre, la tête surélevée, mais ça continue. Et moi, tu me tends les essuie-mains en papier, mais je ne sais pas quoi en faire avec le bébé sur les bras. Moi, j'en ai marre de lui changer ses draps 4 fois par jour. Ils ont beau dire que ça va s'arranger avec l'âge, ça fait 2 mois que ça dure et ça ne s'arrange pas. Tu me reprends les essuie-mains et tu nettoies le vomi qui a maculé le sol dès que je me suis assise avec lui sur mes genoux. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas le faire opérer quand même. Tu prends le bébé. Vous permettez ? Tu le soulèves, tu le soupèses. Tu le reposes sur mes genoux. Tu lui donnes le hochet transparent avec les boules de couleur qui montent et qui descendent. Et le bébé fait « da da da da da da ». Pour l'opération, mon mari n'est pas d'accord. Un bébé de 6 mois, ça lui fait peur. Mais c'est pas lui qui s'occupe de la lessive. Vous savez comment c'est, les hommes. Les larmes se mettent à couler sur mes joues. « Excusez-moi, vous n'auriez pas un mouchoir ?» Docteur Saxe ? Salut, petit cousin, c'est Roland. Salut, Roland, quoi de neuf? Alors, t'es de garde? Ça doit pas être pas heureux, là, avec tous les malades qu'il y a. Mais je t'embête pas longtemps. Je te dérange pas, au moins, t'es sûr? Non, pas du tout, je t'écoute. Parce que si je te dérange, tu me le dis, hein, je te rappelle plus tard, demain ou après-demain, si tu veux. Non, non, Roland, je t'assure, ça me fait plaisir de t'entendre, je t'écoute. Ah, t'es gentil de me dire ça. Bon, eh bien, pour une fois, c'est pour moi que je t'appelle. Figure-toi qu'en ce moment, j'ai une douleur qui m'embête dans l'épaule gauche. Ça me prend le matin, ça me prend le soir, ça me prend n'importe quand, et quand ça me prend, bah, je sais plus où mettre. Quel genre de douleur? Une douleur, quoi, je sais pas comment te dire, ça part de l'épaule, tu sais, l'os pointu qu'on sent sous la peau. Ouais. Et puis ça descend jusqu'au cou et je peux plus bouger le bras. Ça dure longtemps? Non, une fraction de seconde à peine, mais qu'est-ce que ça fait mal? Après, je peux plus rien faire, j'ai trop peur que ça recommence, tu penses? Tu as pris quelque chose, de l'aspirine? Ah bah tu vois, j'y avais pas pensé. Le temps que j'y pense, ça serait fini de toute manière. Mais ça t'arrive souvent? Non, pas souvent, 8 ou 10 fois par jour, mais ça passe très vite, tu vois, comme un éclair. C'est ça, j'ai l'impression qu'un éclair me traverse le bras, évidemment, ça m'inquiète à mon âge. Bon, à quoi tu penses? Bah, à l'infarctus, pardi. Avec tout ce que j'ai fumé quand j'étais jeune et tous les soucis que j'ai en plus de vieillir. Ah, je vois. Écoute, je te rassure, un infarctus, ça fait pas comme ça. C'est encore plus douloureux et quand ça te prend, ça ne te lâche plus. À mon avis, ce que tu as, c'est une tendinite. Mais je croyais... Enfin, je sais plus où j'ai lu ou qui m'a dit que l'infarctus a donné une douleur dans le bras gauche. Ah si, c'est le beau-frère du beau-frère de Mireille, tu sais, Albert. Je le connais. Bien sûr, le mari de la belle-sœur de Josiane, la sœur de Mireille. Enfin, toujours est-il qu'il en a fait un, l'infarctus. Et il avait mal dans le bras gauche depuis 3 semaines. Il n'arrêtait pas de se frotter avec du contre-coup, il croyait que c'était une tendinite, justement. Et puis je t'en fiche. Alors je me disais que j'avais peut-être la même chose. Non, Roland, vraiment, je ne crois pas. Dis-moi, est-ce que la douleur apparaît quand tu fais certains mouvements? Des mouvements? Bah, tu sais, moi, dans mon boulot, des mouvements, j'en fais beaucoup. Alors pour te dire lesquels, je sais pas. Faudra que je fasse attention. Alors pour toi, c'est pas grave, c'est pas un infarctus. Non, j'en suis sûr. Essaye de prendre de l'aspirine le matin en te levant pour voir si la douleur ne s'atténue pas. Non, mais c'est pas la peine, c'est supportable. Tu sais, je vais oublier, de toute façon. Maintenant que tu m'as rassuré, je vais plus rien sentir. Moi, tu sais, tant que c'est pas l'infarctus ou l'angine de poitrine, y a que le cœur qui me tracasse. Tout le reste, c'est solide. Cela dit, heureusement qu'on t'a. C'est vrai que t'es pas tout prêt, mais ça vaut de payer un peu plus cher de téléphone. Tu me rassures, déjà qu'on a tendance à se faire du souci, Mireille et moi. Dans un sens, c'est peut-être mieux que tu sois pas tout prêt, parce que on serait tout le temps rendu chez toi, j'en suis sûr. Surtout Mireille, angoissée comme elle est. Comment elle va, Mireille? Bien, bien, je t'en remercie. D'ailleurs, elle t'embrasse. Enfin, là, elle est sortie, mais chaque fois que je t'appelle, elle me demande si je t'ai embrassé de sa part. Chaque fois, j'oublie, alors elle m'engueule. Là, pour une fois, j'ai fait la commission. Elle est chez sa sœur, j'ai pas voulu appeler devant elle. Comme je lui ai rien dit, je voulais pas l'inquiéter. Enfin, quand elle va rentrer, je vais pouvoir lui dire que je t'ai appelé. Je lui dirai que je me faisais des soucis et ça va la rassurer de savoir que tu m'as dit que c'était rien. Mais tu la connais, ça va pas l'empêcher de s'en faire, elle aussi, du souci. Rétrospectivement. Oui. C'est bon de se faire du souci, rétrospectivement. On peut se faire peur tant qu'on veut, on sait que c'est pour rien. Quel margeur sacré, Bruno. Faudrait que je la ressorte, celle-là. Ah, t'es vraiment le docteur, tant mieux, toi, hein. Ils doivent pas s'ennuyer, tes clients. Enfin, je veux dire, t'es malade. Quand t'arrives pas à les soigner, tu peux toujours les faire mourir de rire, hein. Nox est venu samedi à la librairie. Ça faisait un mois que je ne l'avais pas vu. Comme il y avait du monde, il m'a fait bonjour de la main. Il a traîné entre les bouquins. Il a toujours été comme ça. Nox. À la fac, les étudiants l'appelaient l'inoxydable Saxe, parce qu'il n'arrêtait pas de leur faire la morale. Alors il ne le ratait pas. Quelques copains disaient l'inox ou l'intox, parce qu'il n'arrêtait pas de coller des pamphlets sur les murs de la fac de médecine, du genre « Ordre médical, ordre nouveau » ou « Nous sommes tous des médecins nazis ». Les étudiants en médecine en avaient la trouille. Ils pensaient tout bêtement qu'il était aussi méchant que ses textes. Un jour, il admit que très peu de gens lisaient vraiment ce qu'il écrivait et que tous les autres s'en foutaient complètement. D'abord, et y compris l'administration. Il rêvait d'être convoqué dans le bureau du doyen pour pouvoir lui cracher à la gueule. Mais le doyen ne devait même pas savoir qu'il existait. Alors, il s'est calmé. Il n'a plus collé de pamphlets. Il est devenu un type plutôt sombre, plutôt taciturne, plutôt chien avec tout le monde. Pas du tout comme quand on était gamin. Là, c'était un monde timide qui avait peur de la castagne, qui restait seul dans son coin. Et quand je me souviens de lui à l'école primaire, Je me demande comment on a fait pour devenir aussi proches. Eh là, ça saigne ce front. Et qu'est-ce que t'as au genou, ma belle ? Je me suis cognée vendredi. Quoi ? Vendredi ? Et tu as attendu 3 jours pour venir te faire recoudre ça ? Non, vendredi c'était le genou. Le front c'est tout à l'heure, je jouais avec tes copines sur la place et Annette et moi on s'est cognées. Jette-moi ce coton en douille. Le coton ça colle aux plaies. Ce sont des compresses qu'il faut mettre. Ou un mouchoir propre. Tu appuies fort et ça s'arrête. Viens par ici. C'est fendu profond. Va falloir recoudre. On va voir ça. Et ta copine, elle est blessée aussi? Ah non, elle a rien. Penche ta tête en arrière. Ça pique. Non, ça va. Tu vois, le coton, ça colle. Et tu as plein de petits morceaux de gravier dans ta plaie. Où est-ce que tu as dérapé avec ton vélo? Sur la place de la mairie, je parie. Je te fais mal? Pas trop. Ma cuisse, ça saigne. Ne bouge pas, c'est rien. Appuie fort dessus, ça va s'arrêter. Bon. Eh ben, il va falloir mettre 2 ou 3 points de suture là-dessus. Ah bon? Et ça va faire mal? Très. Mais si on ne le fait pas, il faudra tout couper. Bon, d'accord. Tu te lèves. Tu te diriges vers l'autre bout de la pièce. Je sanglote. Vous comprenez, docteur, je ne peux plus dormir depuis que ma chienne a une tumeur de la mamelle. Tu prends un mouchoir en papier dans le distributeur posé sur la table de verre. Je me fais du souci et le vétérinaire dit qu'elle en a plus pour longtemps même s'il l'opère. Tu reviens. Et je le crois, vous savez, c'est pas un de ces vétérinaires qui opère pour rien. Tu me tends le mouchoir en papier. Merci. Mais ça me tourmente, vous savez, ça me tourmente et j'endors plus. Je m'essuie les yeux et tu te rassieds sur ton fauteuil à roulettes. J'endors plus, docteur. À 17h45 aujourd'hui, une jeune fille blonde, placide, mutique, 18 ou 20 ans, marchant au ralenti. On dirait qu'elle a pris un coup sur la tête ou que quelque chose pèse sur sa cervelle. Elle vient pour un rappel de vaccin et je m'étonne. Un vaccin, un dimanche ? Ça fait combien ? Son ventre protubérant et sa poitrine ne laissent aucun doute. Je dis « Ça fait combien ?» Mais elle me regarde sans comprendre. Alors je me sens très bête. Je me dis « Je me gourre, j'ai dit une connerie. » Je me mets à rougir. Je prends le carnet de santé. Elle a 16 ans et demi, mais fait nettement plus vieux. Ses cheveux sont sales et elle a l'air fatiguée. Je lui dis que je vais d'abord l'examiner. Allongez-vous. Et elle le fait. Ses seins débordent du soutien-gorge et avec le bide qu'elle a, la ligne brune, le nombril en éventail, je sais que je n'avais pas rêvé. Je pose la main sur le ventre. Rien ne bouge. Je prends le stéthoscope obstétrical, j'écoute, j'entends, le cœur bat. Ça m'a l'air correct, je passe à nouveau la main sur le ventre et je sens un bras qui glisse là-dessous. Et je la regarde. Merci. Elle ne dit rien, elle reste inexpressive, passive, silencieuse, ailleurs. Je dis... Je ne crois pas que je vais vous revacciner maintenant. Non. Pourquoi? Ce genre de vaccin, on ne le fait pas aux femmes enceintes. Je ne fais rien, je ne dis rien, je ne bouge pas, j'attends. Mais elle continue à me regarder du même air figé de celle qui attend, qui a tout son temps. Au bout d'un long moment, elle dit... Je peux me rhabiller? Oui, bien sûr. Je me demande ce qu'elle va faire, ce qu'elle va me demander. Elle se rhabille, elle reprend son carnet de santé et son vaccin et sort son porte-monnaie de la poche droite. Ça fait combien ? Vous n'avez pas encore déclaré votre grossesse, n'est-ce pas ? Non. Vous ne voulez pas ? Non. Ça fait combien ? C'est profond. On voit l'os, ne supportant pas cogner fort. Quand la peau est coupée sur toute son épaisseur, on voit toujours l'os à cet endroit-là. Ah. Vous avez peur ? Ça tourne, comme si j'allais tomber. Ah, venez vous allonger, ça ira mieux. Voilà. Ça va passer. Ah. À mon âge, c'est bête pour un homme de tourner de l'œil. Il n'y a pas d'âge pour tourner de l'œil. Couché, vous n'avez plus rien à craindre. Tenez, ce sera plus confortable. Oui. Bon, on y va ? Il le faut. Eh oui, il le faut. C'est pas très profond, mais c'est grand. Je vais vous faire une anesthésie locale. Vous ne sentirez pas les piqûres. Vous êtes vacciné contre le tétanos ? Mon Dieu, ça fait des années. Vous vous rendez compte, à mon âge ? C'est grave. Tant qu'on le sait, non. Si ça fait plus de 10 ans, vous aurez droit au sérum et au vaccin. Mon Dieu, tout ça ? Et on commence. Je pique. Vous sentez quelque chose ? Un peu. Je recommence de l'autre côté pour que ce soit complètement insensible. Allez-y, ça m'apprendra. Dans un instant, vous ne sentirez plus rien. Ça devait vous faire un mal de chien. Ouais. C'est de ma faute. J'ai essayé de l'enlever avec une pince, mais je suis droitier. Évidemment, je ne pouvais pas tirer, bien sûr. Alors j'ai poussé. Mais c'était pire. Il aurait fallu que je le fasse ressortir de l'autre côté, mais ça faisait trop mal. Quand je pense qu'en temps normal, j'enlève ça en 2 temps, 3 mouvements, ça me fout en pétard. C'est plus facile quand c'est pas sur soi. Mais dites-moi, je n'ai jamais pêché, alors je me demande, comment fait-on pour se planter un hameçon dans le doigt ? Ben, comme ça. Aïe. Tu passes devant moi et tu te diriges vers l'autre bout de la pièce. Je ne bouge pas. Tu prends un essuie-main en papier dans le distributeur accroché au mur. Tu reviens vers moi. Tu ôtes de mon thorax les électrodes. Tu m'essuies le gel de contact poisseux qui macule ma peau et me colle au poil. Ou les larmes de ma joue. Ou les babouillis qui me coulent des lèvres. Ou la morve de mon nez. Ou la merde de mes fesses. Allô ? Madame Benoît ? Oui, c'est moi. Bonjour madame, je suis le docteur Sachs de Play. Vous avez demandé... Oui, bonjour docteur. Voilà. Merci de me rappeler. Je m'excuse de vous déranger un dimanche comme ça, mais vous savez, mon mari et moi, on a un commerce. On est très occupés. Voilà, je voulais vous parler de mon frère. Votre frère ? Oui. Vous savez, Georges, il vit avec notre mère, madame des Touches. Oui. C'est un peu difficile à expliquer, mais mes sœurs et moi, on est 4. On se fait beaucoup de soucis à cause de Georges. Enfin, surtout pour notre mère, qui est tout de même âgée, avec ses ulcères de jambes. Bah, d'ailleurs, vous le savez bien. Vous les trouvez comment en ce moment, ces ulcères ? Ça va, ça vient. Elle est très âgée, ça ne peut pas cicatriser facilement. Oh, je m'en doute bien, depuis le temps que ça dure. Notez bien que depuis qu'elle a déménagé, elle est tout de même mieux que dans la maisonnette où ils vivaient tous les deux. Ils couchaient dans la même chambre. C'était humide. Là, elle a tout de même sa chambre à elle. Mais enfin, c'est pas encore ça. Oui. Vous comprenez, docteur ? Mes sœurs et moi, on pense que ça la fatigue beaucoup de vivre avec Georges. D'ailleurs, elle le dit, hein. Elle est fatiguée. Et c'est vrai qu'il lui simplifie pas la vie. Que voulez-vous dire ? Allons. Vous savez bien qu'il boit. Tout le monde est au courant. Vous êtes déjà allé le ramasser sur la route, vous aussi. Il a déjà failli se faire écraser. Et il est tombé plusieurs fois. Et il a failli geler dans le fossé. Je sais pas combien il a de points de couture. Vous savez bien. Mais que quoi ? Eh ben, ça peut pas durer. Voilà, quoi. J'en ai assez de voir maman vivre avec cet ivrogne, ce bon à rien. La voir dépérir. Ça peut plus durer, voilà, quoi. En plus, il est mal propre, il se lave jamais. Il sent mauvais. C'est insupportable de vivre avec lui. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'il parte. Je soigne madame et monsieur Destouches depuis des années et leur cohabitation n'a pas toujours été facile. Ah ben ça. Mais votre mère n'a pas l'air de vouloir qu'il s'en aille. Oh bah. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle le désirait. Ah ben non, ça bien sûr, elle va pas lui dire à vous. Au contraire, elle est même très attachée à lui. Ah ben ça, bien, lui... ça, bien sûr, ça, elle lui est attachée à ce boulet. J'ai jamais compris pourquoi. Chaque fois qu'il trouvait un travail, au bout de 3 jours, on le mettait dehors. Et depuis qu'il a eu son accident, non seulement il est devenu poivreau, mais il a jamais rien eu à faire de ses 10 doigts, puisqu'il est pensionné. Mes sœurs et moi, on est obligés de travailler et de se crever au boulot, on a des enfants à élever, et lui, il est là, il fait rien, il fume, il boit, et puis en plus, il dépense la retraite de notre mère, et on se demande s'il lui reste quelque chose pour vivre. Là, je crois vraiment... Alors, vous comprenez, on en a parlé, et on a pris notre décision. Alors, comme c'est vous le médecin de maman, je vous appelle pour qu'on se mette d'accord. Pour qu'on se mette d'accord ? Oui. On a décidé qu'il fallait que Georges se fasse désintoxiquer. Parce que ça va bien à la fin. Il va finir par être dangereux. Et ça tournera mal. Déjà l'autre jour, quand je suis allée voir maman, il était à moitié agressif avec moi parce que j'essayais de la convaincre de retourner à l'hôpital faire soigner ses ulcères. C'est vrai quoi ? Ça peut pas durer. Je veux pas dire que vous la soignez pas bien. Mais la greffe de la peau lui avait fait du bien la première fois. Alors je vois pas pourquoi on n'essaierait pas à nouveau. Et puis, pendant qu'elle est à l'hôpital, elle aura pas Georges sur le dos. Attendez, je voudrais comprendre. Quel est le motif d'hospitalisation dans votre esprit ? Soigner les ulcères de votre mère ou l'éloigner de votre frère ? Eh bien justement, c'est là que je voulais en venir, docteur. Nous, on sait bien que maman ne voudra jamais qu'on fasse désintoxiquer Georges pendant qu'elle est là. Mais si elle est à l'hôpital, on pourra lui dire que ça n'allait plus et qu'il a fallu l'emmener. L'emmener ? Où ? Bah, vous m'avez comprise. À l'asile, bien sûr. On n'a qu'à le faire interner, et puis voilà. Allô ? Docteur ? Vous êtes là ? Allô ? Je suis toujours là, Madame Benoît. Qu'est-ce que vous attendez de moi, exactement ? Eh bien, j'en parle souvent à maman de ses ulcères. Et mes sœurs aussi. On lui en parle chaque fois qu'on va la voir ou qu'on l'appelle. Je sens que d'ici pas longtemps, elle sera partante pour une autre greffe. Alors on a pensé, comme vous êtes leur docteur à tous les deux, vous seriez le mieux placé. Une fois que maman sera hospitalisée, vous nous ferez le certificat d'internement. Et puis, comme vous allez souvent à l'hôpital, c'est vous qui expliquerez à maman une fois que ce sera fait. Venant de vous, elle l'acceptera, parce qu'elle vous fait confiance. Je vois. Vous savez, il y a de fortes chances pour qu'on ne le garde pas interné. Les psychiatres ont leur mot à dire, et les services sont souvent très chargés. Oh ben ça, je sais, je connais le problème. Ma sœur cadette est aide-soignante au centre spécialisé de Tourmence. Mais elle en a déjà parlé au médecin du service. Elle le connaît bien, c'est lui qui soigne son fils et son mari. Et elle m'a appelée ce matin pour me dire qu'il est d'accord pour garder Georges le temps qu'il faudra. Le temps qu'on trouve une solution. Une solution finale ? Ben oui, une solution quoi. Parce que je me fais pas d'illusions. Hein. Georges, il est irrécupérable. Il y aura jamais moyen de le faire arrêter de boire. Et même si on y arrivait, de toute manière, c'est un parasite. Il n'y a rien à en tirer. Il sait que vivre au cocher de maman. Il est pensionné ? Sa pension ? Il la boit ! Il lui donne pas un sou. Et quand elle l'envoie faire des commissions, il achète du vin. Alors, il y en a assez. Vous comprenez ? Oui, Madame Benoît, je comprends. Mais je ne ferai pas interner votre frère et je ne ferai pas hospitaliser votre mère pour vous faciliter la tâche. Mais... Au revoir, mais... madame. Et avant même que j'aie eu le temps de faire ouf, il raccroche. J'essaie de rappeler pendant un bon moment, mais ça sonne toujours occupé. Le téléphone, ça marche jamais quand on en a besoin. Parce que j'ai 30 ans et j'ai déjà mal partout. Parce que j'ai 40 ans et je commence à m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai bientôt 80 ans et je... C'était La maladie de Saxe, de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. 9e épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Saxe. Et Olivier Broche, Mohamed Rouabi, Michel Baladi, Sarah Caponi, Camille Garcia, Lola Roskis, Georges Serre, Nathalie Canoui, Donatien Guillot. Presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Bruitage. Bertrand Amiel. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Musique originale. Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation. Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. La maladie de Saxe est publiée aux éditions POL et au livre de poche.